chez moi. On faisait qu'il s'embrouille, y'a plus de solution. Quand tu m'insultais, t'avais des munitions. On se faisait la rugue, c'était pas la solution. Mais on s'aimait, c'était la confusion. À cause de ta fierté et de tes soupçons, tu m'as quitté. À cause de ta fierté et de tes soupçons, tu m'as quitté. Tu m'as dit je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Si tu t'en souviens, pendant que je me lamentais, tu faisais la fête. Tu m'as jeté comme à moi que rien. Aujourd'hui tu reviens me prendre la tête et tu dis que tu me veux du bien. Tu m'as dit je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Oh, tu m'as dit prends tes affaires, va-t'en et ne te retourne pas. Oh, tu m'as dit je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Oh, tu m'as dit prends tes affaires, va-t'en et ne te retourne pas. Pas comme ça.